Zad, yeah. Balade botanique et culinaire sur la ZAD. Le nombril de Vénus. Mon latin, je l'ai oublié. Umbilicus rupestris. Voilà. Yes. Et le nombril de Vénus, ce sera une petite plante sur les bords de chemin. Avec un trou au milieu. Ouais, comme un petit entonnoir. On va les mettre dans le seau sous le tissu. Ça a mis de l'eau avec. 30 grammes de sel par litre d'eau. Voilà. Sachant qu'il y a 5 grammes de sel par cuillère à café. Donc comptez 6 cuillères à café par litre d'eau. Voilà. Il faut pas en avoir beaucoup. Le principe, c'est que ce qu'on récolte, ça doit être vachement compressé. Et que dans l'idéal, ça doit même fermenter que dans son jus, en fait. Et on remet juste un peu de sel pour activer. Non. Il faut en mettre un peu et compresser à mort. Et une fois que c'est compressé à mort, remettre dans d'eau ce qu'il faut pour que ça dépasse d'un centimètre la surface des machins. D'accord. Soit compressé et pas en contact direct avec l'oxygène de l'air. Les petits, on les garde petits ou sinon on les coupe en 2-3. C'est une fermentation en fait sans air, quoi, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher l'oxygène à l'extérieur, les bactéries vont aller chercher l'oxygène à l'intérieur des cellules même de la plante. Ça développe plusieurs enzymes, dont l'enzyme lactique, c'est pour ça la lactofermentation, quoi. Au bout de 3 semaines, c'est le même principe que des cornichons ou la choucroute. Tu le laisses dans la saumure et tu le manges en condiment, en accompagnement. Ouais. Le film là, c'est cicatrisant aussi. Ouais. Tu vois, hop. Voilà. Ah, et là, t'enlèves ce qui est en dessous la feuille. Ça fait un petit film transparent presque. Et tu te le mets sur partout où tu t'es fait couper, quoi. Il y a des méticuleux qui, avant de le bouffer ou de le servir en salade, enlèvent systématiquement le petit film en dessous. Ouais, moi, j'y suis, je trouve que c'est plus fin comme goût, je sais pas. Ah, le travail. Ouais. Ouais, voilà, c'est un travail de fou, quoi. Ouais. Avec l'habitude, tu peux aller relativement vite, tu sais. Mais bon, si jamais t'es prisonnier dans ta cabane, tu sais pas, il fait trop froid, etc., tu peux pas sortir. Bah, ça te donne une manière d'occuper ta journée, quoi. Le plantain. Le plantain, ouais, donc c'est un désinfectant naturel. Ça soulage un peu en cas de piqûre d'insectes et tout le bordel. C'est même anti-choc anaphylactique. Si tu risques de faire une hémorragie, tu te mets masse de plantain, ou si c'est à l'intérieur. Il y avait quelqu'un qui s'était fait piquer par une guêpe à l'intérieur de la gorge, il était allergique, ça se transformait en œdème. Il a bouffé du plantain comme une vache pendant une demi-heure, mais ça s'est résorbé, il a rien eu. Donc comme il était piégé dans une grotte dans les Pyrénées, encore heureux que... Il connaissait les plantes, quoi. Ouais, encore heureux que voilà. Et qu'il y avait du plantain. Que les secours auraient pas pu venir à temps, quoi. Tous les chardons se bouffent, a priori. Ouais. Sauf espèce encore inconnue. Là, t'es en train d'enlever les piquants, c'est ça? Ouais, suffit de peler, en fait, d'enlever les piquants. Et voilà, et ça, les tiges peuvent se manger fraîches ou cuites, mais bon, cuites, c'est un peu gâché, quoi. C'est du boulot quand même d'enlever tous les trucs là. Voilà, c'est pour ça que si on faut partir du principe que tous les chardons se bouffent, donc à partir du moment où on a reconnu un chardon, on sait qu'il se bouffe, et après faut essayer de trouver les espèces les moins casse-couilles à peler, quoi. Ouais. Il y en a où il y a peu de piquant dur que tu t'enlèves un par un et tout le reste de la feuille tu peux garder. Il est beau, on dirait une grosse salade en fait. Le principe aussi, c'est que voilà, plus les tiges sont grosses, plus elles risquent d'être amères. Donc ça dépend. Enfin, quand on cueille des trucs sauvages, on va souvent tomber sur ce goût-là d'amère, quoi. Et faut être prêt à l'aimer, quoi. Et si tu sais que t'aimes pas trop, il faut se diriger vers les petites tiges. Et le centre, quoi, les plus jeunes. Et là, tu te piques pas, là. Tu peux, mais. Non, mais ça va. Hein. Franchement, elles sont tendres, les épines, quoi. Ça va. Ah, hop. Ah si, ça pique. Mais non. Voilà. Tu peux goûter ? Ouais. Bon là, j'ai beaucoup de boulot pour un truc qui va juste un peu te rafraîchir, tu vois. Mais il y a des espèces où ça vaut vraiment le coup, quoi. Quelles sont vos impressions ? Goûtu. Goûtu. Oiseaux. Donc c'est cette petite fleur, petite feuille là. Ça fait. Donc elle s'appelle la stellaire parce que c'est un peu comme une étoile à cinq branches là. La fleur, elle est. Blanche. On croit, ouais, elle est blanche et on croit qu'elle est divisée en 10. En fait, c'est 5 pétales très profondément découpés. Il y en a toujours 5. Et l'autre truc caractéristique, c'est que sur la tige, le long de la tige, t'as une crête de poils blancs. Mais une seule crête en fait, elle n'est pas velue tout le long de la tige, c'est une petite punkette. Et voilà, et ça te permet d'être sûr que c'est bien le mouron des oiseaux et pas un autre. Et après, tu vas reconnaître le goût, quoi. C'est super frais, c'est riche en vitamine C. L'avantage c'est que tu peux tout cueillir de la plante. Donc tu broutes ou tu prends une poignée, t'arraches. La châtaigne de terre. Ça ressemble un peu à des fans de carottes, non ? Oui, c'est ce que je disais. Oui, oui, c'est de la même famille que pareil. D'accord. C'est pour ça que c'est une famille qui me fait peur, parce que c'est difficile de distinguer les trucs entre eux. Et des fois, t'as des trucs très mauvais qui ressemblent à des trucs assez super bons. Pourquoi on appelle ça la châtaigne ? La châtaigne de terre, parce que ça ressemble à. Ça a un petit goût de châtaigne, noisette, je sais pas trop comment dire, quoi. Oui, mais le bulbe. On voit que les feuilles là. Ah oui, c'est le bulbe qu'on voit. Ah oui, c'est le bulbe. C'est la forme et le goût du bulbe, quoi. Faut aller récupérer la racine, donc. Mais elle peut être à 5, 7 mètres de centimètres de profondeur. Et voilà. Et donc, t'as que la tige pour te fier à ou creuser. Suivre et la tige. Et c'est fois... ça. Mais la tige, elle casse souvent. En fait. Ah ouais. Du coup, t'es obligé soit de retourner tout autour. Toi d'aller en chercher une autre, quoi. Ça c'est bien de le reconnaître et après peut-être de le cueillir et d'en faire une petite culture, tu sais, sur des grilles dans du terreau, de la terre vachement meuble, dans des petites grilles peu profondes, tu sais, tu le multiplies comme ça et après voilà, c'est pour toi c'est facile à sortir, quoi. Yeah, beau gosse. Ah, ça y est, on l'a trouvé. Voilà, donc voilà. Une toute petite bulbe. Ouais, donc. En fait, il y en a des plus ou moins développés. Là, ouais, c'était quasiment. Jeune pousse. Ouais, tout jeune. Tu peux en trouver jusqu'à beaucoup plus grand que ça, quoi. Mais faut pas jusqu'à la floraison, quoi. Enfin, faut que ça soit pas encore en flot avant que ça se cueille. Comme, de toute façon, comme la plupart des trucs dont tu récupères les racines, en fait. C'est censé avoir une peau qui se détache facilement. Du coup. Comme celle-là, elle n'a pas l'air de venir très bien. Je m'inquiète parce que voilà, ça peut se confondre avec quelque chose qui n'est pas bon du tout. Là. Comme dans cette famille. Ah si, ça devrait être ça. Donc à l'intérieur c'est blanc. Voilà, à l'intérieur c'est blanc. Ça se pèle, c'est bon, c'est une peau super fine quoi, mais si tu veux faire vraiment gourmet, tu peux la peler en la brossant quoi. En faisant tremper un peu la brossant. Alors? Ah bah voilà, t'as un petit goût de léger de noisette quoi. Ouais. Enfin, tu on va essayer de la partager, ça va être dur. En fait, ça faut vraiment y passer du temps et puis attendre qu'elle soit un peu plus grosse. Ouais, parce que là. Mais c'est bien de. Mais c'est bon, hein. Ouais. Enfin, le peu que j'en ai dans la bouche. Berce. Quand tu es jeune, tu manges les feuilles en salade et puis plus tard, tu peux les manger en soupe. Ça goûte bonbon. Comment tu fais pour faire des bonbons, toi? Quand elle a des grandes feuilles comme ça, en fait, je prends les tiges les plus grosses et puis en fait, j'enlève les feuilles et puis je la pèle. Ouais. Et puis en fait, tu croques et c'est tout frais, quoi. C'est frais, puis ça goûte bonbon. Mmh. On raconte plein de choses sur la berce. Ah, comme quoi ce serait un stimulant. Il y a des vins aphrodisiaques pas à partir de berce quoi. Moi ça peut se trouver dans Savoir survivre de Jacques Massacrier. Il en donne une recette. Ça peut se trouver dans Tella Botanica, un site d'une université de permaculture au Québec. Et la poêle c'est marrant parce que ça devient ça a un peu le goût et l'odeur comme du steak après. Mais après une 25 minutes à feu doux, quoi, tu sens que ça n'a pas du tout ce goût-là et au bout d'un moment ça le devient. Ça passe de bonbon à steak, quoi. Ouais, truc de fou. C'est multi-usage pour le palais. Et pour les véganes pas encore habitués, encore en manque, c'est pratique, tu sais. La benoîte. Ça, c'est la benoîte, alors? Ouais. Là, t'as enlevé la racine, là. Ouais, bah ouais, j'ai déraciné, la pauvre machine. On a été obligé de la bouffer. Parce que c'est la racine que tu manges, là, sur la benoîte? Ouais. Alors, elle peut servir de condiment, quoi. Enfin, elle a un petit goût de... Un petit goût de clou de girofle. Truc un peu anisé quoi, et ça peut servir en condiment ou ça peut servir pour les plats à la vapeur. Tu t'infuses au-dessus de ça quoi, et ça t'aromatise le riz ou des trucs comme ça. Après, c'est aussi un anaphrodisiaque, c'est pour pas avoir envie de baiser quoi. Tiens, filme-moi-en un peu alors. Et tu manges toutes les petites racines alors? Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi herbe. Merci. Du bon soldat. Herbe du bon soldat, ouais. Benoîte. Bon. D'accord. Soldat, bien tranquille. Bon soldat. C'est de la lampsane. Lampsane. Lampsane. Lampsane. J'aime pas sa couleur, elle est trop jaune pour être honnête quoi. On était à côté d'un champ cultivé aussi, donc ouais. Enfin, je sais pas. Je vous la montre parce qu'elle a été traitée. Ouais, elle a dû s'en prendre dans la gueule quoi. Là, elle est censée être plus verte. Ouais, tu n'as pas de goût, quoi, est censé être plus amer aussi. Ça, c'est une règle, en fait, d'après toi, c'est qu'il vaut mieux pas trop cueillir près des champs traités. Moi, je fais surtout à la gueule des trucs et au goût que ça a, quoi. Quand tu connais, une fois que tu as connu la plante, je sais pas, dans un jardin botanique ou dans la montagne ou, je sais pas, dans les Vosges ou dans des trucs vraiment où tu sais qu'elles sont préservées, quand tu compares avec la gueule qu'elles ont à côté des champs, quoi, des fois ça paraît potable, des fois ça a vraiment trop une sale gueule. Enfin, tu sens que c'est trop différent de ce que c'est censé être, et moi là je cueille pas, quoi. Manger des plantes sauvages, en fait, ça n'a pas du tout les mêmes vertus que manger les plantes qu'on a domestiquées depuis quelques milliers d'années en plantes domestiques. Parce qu'en fait, elles sont plus pures, donc en fait, elles ont plus de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines. Voilà, comme toutes les espèces végétales et animales en règle générale. Hey, hey, c'est pour Notre-Dame-des-Landes. Ok, résistance. Zad, yeah! Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage! Cette émission a été réalisée par Caroline Sario. Des forces de répression, plus de 100 000 pantins vont patauger dans la bouse. Y'a même un hélico pour gérer la situation. Alors t'allumes ta télé pour voir les news. C'est la guerre ou quoi? Mais où passe mon pognon? En fait, c'est juste pour déloger squatteurs et paysans. Étouffer la terre avec des hectares de ciment. Ces gens n'ont pas le droit de cultiver. L'État veut construire un aéroport géant. Face à une telle aberration, résistants militants tiennent bon. Légumes contre lacrymo. Hey. Et adieu le sabot. Grenade contre cabane. Et adieu la forêt de Roanne. Des adieux, jamais personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici. Ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Ça vit ici, ça fleurit ici. Ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage.